Je suis solitaire, mais par élection. J'adore l'amitié avec le soleil. Avec la mort, la nuit et la mer. Et je suis solitaire, mais je suis drôle aussi. Comme la politique, y los jefes el montón que te cambian un pan por la dignidad. Et je suis un argentin qui personne espagnol. And it's Alvarez true, pero hay libre expresión. No es cierto, señora, señor. Je suis solitaire, désolé de mélanger. And it's Alvarez true, like a summer rain, like a homeless boy looking for food in New York. Y no olvido el amor, Michel Le Bordel. And it's Alvarez true, but I know what I do. Et je suis solitaire, pero amigo del mar, pero amigo del sol, la lluvia y el mar. Je suis solitaire, et désolé de mélanger, and it's Alvarez true, but I know what I do. Et je suis solitaire, pero amigo del mar, pero amigo del sol, de la lluvia y el mar.